Judaïsme, christianisme, que des monothéismes. Les juifs, tout comme les chrétiens, ont lutté contre les païens et ont fini par avouer que Dieu aime se faire prier. Les Hébreux ont vu le royaume tomber, avec une partie du peuple déporté. Ne pouvant stopper toutes les invasions, ils veulent éviter leur disparition. Voilà pourquoi, au temps du roi Josias, la Bible laisse ses premières traces. Elle reprend bien des traditions orales, des règles religieuses et morales. L'attachement au monothéisme, véritable socle du judaïsme. De magnifiques récits en terre promise, d'Abraham, de Joseph, de Moïse, où l'on retrouve même la mention du royaume de David et Salomon. La destruction du temple Siba entraîne la naissance de la diaspora, mais aussi de synagogues, de rabbins dans une grande partie de l'Empire romain. Et après ce départ définitif, les Hébreux ont été appelés juifs. Judaïsme, christianisme, que des monothéismes. Les juifs, tout comme les chrétiens, ont lutté contre les païens et ont fini par avouer que Dieu aime se faire prier. Il aime se faire prier, c'est drôle ça quand même. La population juive de Palestine supporte mal l'occupation latine et attend au premier siècle de notre ère l'arrivée d'un messie sur leur terre. Pour certains, le sauveur est apparu, il s'agit du populaire Jésus, qui conseille d'aimer Dieu et son prochain. Comme il inquiète prêtres juifs et romains, il va être arrêté puis crucifié, sa résurrection sera proclamée. Ses disciples retrouvent son enseignement dans les pages du Nouveau Testament. Très vite, les chrétiens sont persécutés. Ils meurent pour avoir toujours refusé de participer au culte impérial. En 313, leurs pratiques sont légales. Puis seul le christianisme est accepté. Les autres religions sont prohibées. Les basiliques accueillent en peu de temps religieux, fidèles et nouveaux croyants. Judaïsme, christianisme, que des monothéismes. Les juifs, tout comme les chrétiens, ont lutté contre les païens et ont fini par avouer que Dieu aime se faire prier. Judaïsme, christianisme, que des monothéismes. Les juifs, tout comme les chrétiens, ont lutté contre les païens et ont fini par avouer que Dieu aime se faire prier. Ah, c'est judaïsme, christianisme, que des monothéismes. Les juifs, tout comme les chrétiens, ont lutté contre les païens et ont fini par avouer que Dieu aime se faire prier. Judaïsme, christianisme, que des monothéismes. Les juifs, tout comme les chrétiens, ont lutté contre les païens et ont fini par avouer que Dieu aime se faire prier.